C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec This Is, notre invité. Ce morceau qui s'appelle Kamikaze à l'instant. Ouais. Gros morceau. Gros morceau. On peut le dire, par exemple, ce soir au Bataclan, il arrive à quel moment ce morceau? Non, je le dis pas. Bon. Surprise! Bon, non? Non, je peux pas. Faut que c'est une surprise. Bon, d'accord, je comprends. Voilà. Surprise. Non, mais faut que c'est une surprise. Oui, parce qu'à Lille, pareil, il y a Lille dans 10 jours, c'est vrai. Ah, voilà. Ouais. Après, les gens vont dire, ah ouais, l'HC, il a dit sur Skyrock, c'est à tel moment qu'il le fait. Ouais, c'est là où je vais sauter. Voilà, donc non. Alors que c'est un effet de surprise. Tu as raison, t'as raison. Donc, allez voir grosso modo This Is. Voilà, c'est ça. Il faut aller le voir là dans 10 jours, dans 9 jours, tu seras du côté de Lille, le 27. C'est ça, le lendemain, je suis au Havre. Au Havre, et puis il y a d'autres dates qu'on vous file où tu les as peut-être. Non, je les ai pas peut-être, mais si tu vas sur This Is FR sur internet. Tu vas dans l'onglet concert et là tu trouves tout. Bon, j'ai plein de festivals cet été et tout. J'ai pas fait mon petit rappel quotidien de ce qui s'est passé hier dans l'émission. Hier dans l'émission, les sons qu'on a passés c'était Kamikaze, ouais. Le Complexité Française qu'on a passé aussi. Le son en choisi entier hier, on l'a en entier, évidemment. Version album, n'est-ce pas? Le son choisi sur les réseaux sociaux de Skyrock, c'était MC Kissinger. Non, c'était Banlieusard Syndrome. Ah mince. Ouais. Je me suis planté. Bah c'est pas grave. J'en ai perdu le fil. C'est pas grave, on le passera. Ah mais non. Si t'as raison, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est MC Kissinger. Mais oui, t'es. C'est MC Kissinger. Voilà. C'est vrai. Laisse-moi faire. Ne dis plus rien en fait. Sur ce qui s'est passé hier, laisse-moi faire. Tu reviendras après-demain tranquille. Tu pourras faire les commentaires après-demain tranquille, tu te souviendras de tout. C'est normal. Et puis enfin, voilà, on a eu un gros live aussi hier soir, il faut le rappeler, avec Révolution Urbaine qui était là. Ouais. En invité. Paul Carrie, Danny Dan. Ouais. Et Savant des Rimes. Voilà, je me disais, on en a oublié. Exactement. C'est fou, en 24 heures, la mémoire. Ouais, c'est chaud. Hein. Ouais, c'est fou. Peut-être qu'on devient vieux, je sais pas. Ok. Ça mérite juste ça. This Is avec nous, l'album Translucide. Présente-nous un petit peu, donc, qui est à tes côtés? Alors, à mes côtés est une artiste qui s'appelle Mad. Que j'ai rencontré, en fait, j'étais en studio donc avec Medellin, qui fait beaucoup de prod sur mon disque. Pareil, un producteur qui a fait aussi des centaines de sons. Bah ouais, enfin, qui a travaillé avec plein de gens, mais en tout cas, sur ce disque-là, bah donc, ils ont fait Kamikaze, ils ont fait Complexité Française, entre autres, sur l'album d'avant, ils avaient fait Gogo Gadget. Enfin, ils en ont fait plein, je travaille beaucoup avec eux. Et je recherchais une voix. Féminine, mais je voulais pas un truc R&B, gros refrain, voix de ouf, truc, tu vois, je trouve que ça c'était tard à l'époque, tu vois. C'était mieux avant. Non, c'est pas ça, mais tu vois, ouais. Là je voulais vraiment une, vu que j'étais dans quelque chose de très précis et méticuleux sur ce disque-là, je voulais un peu, allez, on va se lancer, on va le dire, je voulais un peu de féminité, ou ma part à moi de féminité exprimée dans ce disque-là aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah oui, mais on est limite au coming out là. Non mais pourquoi tout de suite? Pourquoi tout de suite? On y était presque. C'est un truc de ouf. La sensibilité, c'est pas réservé qu'aux nanas quand même. C'est vrai, t'as raison. Dis donc. T'as raison. Bon. Et donc je disais. Un grand sensible comme toi, je te comprends. Ouais, mais pas que sensible. Hein. Des fois, je me mets en colère, ça fait mal. Bon bref. Et donc je disais. Et donc je recherchais ça. Et donc Medellin m'ont dit, écoute, nous on connaît une artiste. Qui est très très forte, qui a une voix particulière et tout. Elle a pas encore fait grand chose, mais est-ce que ça t'intéresse? Je dis bah justement, moi je veux pas des noms de dingue et tout. Donc voilà. Et elle est arrivée en studio. Moi j'aime pas faire des compliments devant les gens, c'est gênant. Mais elle est arrivée. Vas-y, tourne-toi, regarde, en plus c'est pratiquement tourné. Et je te jure, tu la vois pas. Elle est derrière toi. Elle est arrivée comme un soleil. Et je dis pas ça parce qu'elle est jolie, c'est pas dans ce sens-là que je dis ça. Elle était superbe, shiny. Tu vois, c'est-à-dire que elle avait pas honte, une vraie artiste. Parce que des fois, quand t'invites des chanteuses, tu vois, elles vont avoir peur, elles vont faire des tminiques, un peu truc. Elle direct, elle s'est mise à danser, elle écoutait le son, elle dit ah ouais, j'aime bien ça. Oh, j'aime pas ça. Tiens, t'as vu ça? Tu connais ce clip-là et tout. Et tout de suite, on était à l'aise. Et ça, c'est une qualité. C'est vrai. Très très très rare. Mais c'est bien, en tout cas j'ai compris. Il y a quelques secondes tu nous parlais entre guillemets de ta part de féminité. J'ai vu ta part de masculinité également à l'instant en présentant Matt qui est là avec pourquoi nous. Non mais le côté shiny soleil et tout ça, je t'ai vu, t'étais emporté là hier. Non mais c'est vrai, c'est une artiste très lumineuse. Et ben c'est vrai, très très tu as raison de le préciser. Et puis elle en ajoute en plus parce qu'elle a une tenue magnifique mais qui est là, tu t'en prends plein les yeux. Là, tu t'en prends plein les yeux ce soir. Bon, ça va bien, Mad? Ça va et toi? Tu te souviens, toi, de cette rencontre, justement, avec This Is? Oui, je m'en souviens. Tu savais tout ça? Tu savais que, voilà, il cherchait une voix, pas un nom, enfin, qui... Je savais qu'il cherchait une voix. après. Non, elle savait pas tout ça. Je savais pas qu'il cherchait. Un nom, quoi, un nom ou une grosse voix. Voilà. Bon, alors, petit CV express, par contre. Alors, fais-le toi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ouais. Rapidement, l'âge, d'où tu viens, si t'as sorti des choses. Okay. L'âge, tu peux mentir, hein. T'es pas obligé de dire la vérité. Ouais, non. En même temps. Ouais, j'ai pas à mentir. En même temps, c'est vrai, quand on te voit, t'as pas à mentir, je pense. Ouais. Bah, écoute, je m'appelle Madaline. Mon nom d'artiste, c'est Mad. M-A-D. Je fais de la musique depuis que je suis petite. J'adore ça. C'est ma passion. Le chant, c'est toute ma vie. J'adore la musique et là en ce moment je suis en train de me lancer à travailler avec différents artistes, voilà, comme This Is, et puis mon but c'est vraiment de me lancer. Et justement, est-ce que toi tu te considérais être dans une case, on parlait d'R&B, mais alors, ouais, a priori pas ça, parce non, que c'est pas ce que cherchait This Is, mais quoi, plutôt pop, plutôt un registre pop, plutôt un registre country? Non. En fait, j'aime pas mettre un nom sur ce que je fais, parce que j'aime tous les genres de musique, vraiment. Bah, tu vois, c'est pour ça que je la kiffe. Putain, mais c'est vrai, tu vois, c'est ça en fait. C'est que dès le départ, et encore elle, elle a compris ça dès maintenant. Moi, j'ai mis du temps à comprendre tout ça, tu vois. Elle, dès maintenant, elle dit, en gros, elle veut faire du mad. Ouais. Voilà. Et c'est ça qui est fort. Et c'est pour ça que ça a bien connecté entre nous. Ce que j'essaie juste de savoir, c'est mad, c'est plutôt, voilà, alors, si on écoute, là, je sais pas si t'as, on a des sons qu'on peut écouter de toi. Hormis, évidemment, les titres avec This Is, on peut en trouver sur le net, on peut chercher. Justement, là, on est en train de bosser sur ça. Ça sort très Soyez patient, attendez voilà, ça. Donc, il y a rien. Grosso modo, il y a rien. Là. On peut pratiquement rien trouver. Exact. Là, c'est vraiment, c'est. Si on peut trouver avec This Is sur l'album Prends Suicide, voilà. Voilà, c'est déjà bien quand même. Ah bah c'est déjà super bien. Mais... Non et puis en plus les morceaux. Non mais c'est important de dire que ouais. Non mais ça. Il y a Miskin qui a un morceau de l'album où tu interviens et qu'on aura en live certainement tout à l'heure. Non mais ce qui est très fort aussi, c'est que je parlais de Spiral tout à l'heure et du fait qu'elle ait trouvé la mélodie. C'est là où elle est forte. C'est là où elle est forte. C'est-à-dire que tu vois, elle j'adore composer, oui. Non, mais c'est vrai. Tu vois, elle met tout de suite une vibe sur le truc, tu vois. Et ça, c'est fort. C'est pas juste, on lui envoie une top line, comme on dit, c'est-à-dire un refrain déjà fait en yaourt. Et puis elle doit juste rechanter et tout. Non, elle a cette capacité-là. De création. De création. Et elle est au départ du truc, tu vois. Et ça, c'est fort déjà. Très, très fort. Et ben, peut-être qu'on peut l'écouter sur un morceau. Ou est-ce qu'on met un autre morceau de l'album tout de suite? Ou elle est dessus? Non, on va les faire en live. Eh ben, alors, qu'est-ce qu'on met? Eh ben, on met Khadija. Vu qu'on est dans la sensiblerie, mettons Khadija. Mettons Khadija. En plus, c'est le morceau, ça tombe bien, qui a été choisi aujourd'hui. Tu sais, chaque jour, on demande via les réseaux sociaux. Ok, bah cool. Ça tombe bien. Ouais, ça tombe super bien. Et c'est vrai que c'est le morceau qui a été le plus demandé aujourd'hui parmi ceux qui ont acheté ton album, qui aiment ton album. Ça a été très demandé par des filles. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'à 99%. À 99% en effet, elles ont demandé ce morceau qu'on va écouter maintenant. Ouais, mais tu sais quoi, moi je connais des gros mecs de Tess, hein, des vrais mecs de Tess, et ils écoutent du R&B, tout ça, et je sais que ça leur parle aussi. Et bon, on l'écoute. Même des mecs de Tess qui écoutent de la chanson française, mais je dirais pas les noms. Mais ils disent rien en fait. Bon, on écoute le morceau. Allez, c'est parti. C'est This Is notre invité, et ce morceau Khadija. La mort, frôler l'amour. Tu connais mes remords, hein mon amour. Putain j'ai le mort, pour nous mon amour. Je t'aime à mort, à vie mon amour. On a failli s'aimer, failli se détester. Nos cœurs comme des montgolfières, fallait les délester. Mais retour en arrière sous un soleil d'été. Les mains jointes, nos âmes se disent namasté. Et des pupilles amoureuses comme sous LSD. On s'aime le L, le MM, le J et le VSD. Mais un jour quelle idée, j'ai fait le canidé. J'ai égaré ma carte de fidélité. À vie comme un ado. Les bourses pleines, les phones sonnent, les gosses plaignent en stress. Syndrome du salmone qui ne vit pas en vie. Je remercie Dieu pour cet amour encore en vie. Mon garde du cœur, et je t'aime encore. failli se haïr, j'ai fait le sai-sai. J'étais là et bye quand t'as dit bye-bye. Mais t'as ce que tu mérites, parce que t'as lie-lie. Je me croyais infaillible, mais j'étais faille grave. Retour en arrière sous une pluie d'été. Mon âme cherche la tienne pour dire namasté. Mais ton cœur méfiant, celui que j'ai dévasté. Maintenant surveillera tout comme la DST. Et Dieu sait comment je me suis détesté. Vanité dans ma bonté, lâche dans ma méchanceté. Vos âmes chancelantes, le démon riait lentement. Trahison tranchante, faudra plus qu'un pansement. Des peurs funestes, des promesses célestes. Quand le diable de nos cœurs faisait son festin. Mais les anges en guest ont rejoint la fête. Toi et moi, les mains jointes, partons le destin. Avec toi, ma nébuleuse. Faire mon chapelet avec toi, ma nébuleuse. Les graines entre nos doigts, ma nébuleuse. Égrener la foi, ma nébuleuse. Tu es ma Khadija, ma nébuleuse. Tu m'as aimé quatre fois, ma nébuleuse. Tu es mon sol, tu es mon toit, ma nébuleuse. Mon encre et mon compas, ma nébuleuse. Mon garde-fou, mon cadre, ma nébuleuse. Au final, mon unique choix, ma nébuleuse. Je veux mourir avec toi, ma nébuleuse. Tu es un mentre pour moi, ma nébuleuse. C'est un sacré morceau celui-ci. Ah je ouais. Ça s'appelle Khadija. Je suis bien d'accord. T'es bien d'accord pour le coup. Un petit mot sur l'histoire de ce morceau ou pas, DC's? Ouais, bah c'est compliqué d'en parler, tu vois, parce que le morceau parle de lui-même, il est assez personnel. Mais au moins comment il est né, voilà, comment il a été construit ce morceau. Il a été très compliqué à faire parce que en gros j'avais posé tout ce texte-là sur deux différentes musiques. Mais j'avais pas encore trouvé la bonne alchimie entre tout ça. Et je recherchais des prods donc à la fin de l'enregistrement de l'album. Et il y a un mec qui s'appelle Goodwill, qui est un américain, qui a produit pour plein de noms, je crois Drake, Jennifer Lopez, tout ça. Bref, qui m'a envoyé un gros carré, quoi. Ouais, un gros carré, voilà. Qui m'a envoyé un gros folder d'instru. Et il y avait celle-là dedans. Et j'ai tout de suite cassé ma tête dessus. Et cette espèce de nappe qu'il y a derrière, qu'on entend au début, c'est ça qui m'a touché tout de suite. Et j'ai essayé d'adapter mes deux textes, mais le débit n'allait pas. C'est-à-dire que c'était une prod un peu trop rapide pour les flows. Donc j'ai tout réécrit, tout réadapté. Et là, c'est rentré. Et après, il a fallu trouver le refrain. Et je me suis dit, bah, c'est tellement personnel qu'il n'y a que moi qui peux chanter ce refrain-là. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai poussé le falsetto. C'est une voix de tête que j'ai mis dans le refrain. Voilà, c'est pas mad, hein. Non. Tu l'as dit. Non, mais elle l'aurait fait mieux que moi, je pense. Mais elle était pas dispo, elle était pas là. Non. Dommage. Non. Bon, il y a Mad avec nous, on va en parler dans un instant. Elle est présente sur différents morceaux de l'album Translucide, avec notamment le Miskin qu'on pourra découvrir en live d'ici quelques minutes. On va revenir. Il y a une petite question à poser pour repartir avec l'album dédicacé de DC's, comme d'hab, comme chaque soir. D'accord. Tu l'as la question? Oui, j'ai la question. Attention, ne prends pas celle de vendredi, hein, non, de jeudi. Mais bien sûr que non. Encore moins celle d'hier. Alors, la question c'est quels sont les titres des interludes dans l'album Translucide? Il y a trois interludes. Voilà, il y a trois interludes. C'est ça, tu me regardes aussi. Non, mais que je ne confonde pas les questions. Non, non, c'est ça, c'est bon, c'est parfait. C'est d'accord. Celle du mercredi. Ah, d'accord, oui, celle d'accord. Celle du concert du Bataclan, c'est ça. Voilà. Donc, quels sont les titres des interludes de l'album sur Translucide? Voilà, il y en a trois. C'est des petits indices qu'on peut donner. Enfin, il y a une intro et deux interludes. Mais il faut donner, les noms de l'intro et des deux interludes. Allez-y, 41-759 avec le hashtag DC's sur Skyrock. On revient dans un instant du live à pas louper ce soir avec toute la fine équipe aussi qu'on n'a pas salué. Comme d'hab, hein. Bah, Dave Devry. Devry qui est là. Bonsoir, bonsoir. Mais bonsoir, Manu. Manu qui est là. Bonsoir, Manu. Bonsoir, Manu. Salut, salut. Manu Diens. Et Dany Sainté qui est dehors. Dany qui est dehors. Derrière la vitre. En train de boire. Donc, salut, salut. Dany. Salut. Il nous répondra d'ici 10 minutes. Voilà, bougez pas. Exactement. On revient dans un instant. C'est DC's, c'est son Planète Rap et l'album c'est Transsuicide. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. En premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap spécial DC's. Une seule émission te fait découvrir les nouveaux sons rap à R&B. Planète Rap, vas-y, reste branché. Freestyle, nouveauté bien enclenché. Laurent K, exclusif tous les soirs sur Skyrock. Your love is bright as ever, even in the shadows. Baby, kiss me before they turn the lights out. Your heart is glowing and I'm crashing into you. Baby, kiss me before they turn the lights out. Before they turn the lights out. C'est DC's, notre invité, entre 20 et 21 tous les soirs avec l'album Translucide. Dans quelques minutes, il sera sur la scène du Bataclan. C'est blindé pour ce soir, mais par contre, amis lillois, préparez-vous, on vous l'envoie. Le 27 mars, il arrive. Chaud, bouillant à Lille. Il le lendemain, au Havre. Il arrive direct à Lille. Ah oui. Voilà, par le premier train. Ouais, mais voilà. Lille, c'est une date importante, hein, parce que l'année dernière, c'était le match aller était très très très très fou, mais vraiment véritablement. C'est-à-dire que je crois que c'est ma date préférée. Et bah, le match retour, c'est le 27 donc, mars. Ouais. On va pas louper. S'ils sont toujours chauds. Il y a Mad qui est à tes côtés également, qui est présente sur ton album, qui est une voix qu'on va entendre là dans les années à venir, c'est sûr. Bah moi, je veux pas lui porter l'œil, mais je pense que oui, quoi. Franchement, je le sens bien aussi. Mais tu sais, elle est tellement humble, elle a pas dit et tout. Hein, je chante en anglais de dingue, elle est franco-américaine en fait, tu vois. Elle le dit pas, genre ouais. Je suis qu'américaine en fait. En plus. Et en plus, elle est que carry quoi. Elle est que carry en fait. Welcome, elle Mad. Elle chante en anglais. De... Vas-y, bah, parle-lui en anglais. Bah, how are you, Mad? I'm fine, and you? Oh, very well, thank you. Non, mais continue, fais. Ouais, t'as reçu tellement de carry ici, Fred. Ouais. Do you something to drink? No, I'm fine. I got iced tea right here. Ok. Va pas dans le complexe quand même. Vas-y, okay. Tranquille. Hein. Tranquille. Mais demande-lui quelles sont ses perspectives d'avenir dans sa carrière musicale. Voilà. Brian is in the kitchen. Oh. With this is. What? With you? Oui, Brian and this is. Complexité française. Complexity French. Ok, but you are with the cat. Yeah. So. You are chelou. You are chelou. You are chelou with the animals. You are chelou. Me? Yes, you. With animals? Yeah. You are chelou. No animals. Ah, ok. En tout cas, note de cat. Ok. Ah, oh, ça veut dire que. Ça veut dire que. You are ok for the goat. Pour des expériences, mais. Oh! Mais ça va pas où on va. Dis donc. L'anglais, ouais, ça va se finir. Ouais, c'est ça. Arrêtons l'anglais. Je sais pas pourquoi ça nous ça met dans un état, l'anglais. Et d'apprendre que tu étais carry comme ça de notre jeu, tu savais même pas. Tu vois, non, elle est pas carry. Elle est American. Ah oui, pardon. Tu vois, c'est pas pareil. American, American from West Coast, East Coast, Middle. East Coast, Ohio. Ah, de l'Ohio. Ouais. Oh, t'as compris. J'ai traduit pour l'Ohio, oui. Qui a un petit peu de mal. And which city? Exactly. Je suis né à Akron. Akron. C'est Akron. Inconnu au bataillon. You mean Akron? Non, c'est super connu, Akron. Akron. Yeah. Ok. Tu connais pas Akron d'ici? T'as jamais été à Akron? Non. Écoute, c'est vrai, c'est ouais. Génial. Oh yeah. Si t'y vas, tu reviendras pas. Hein. D'accord. Ça change une vie. Je pense que tu peux y rester là-bas. Tu peux nous faire une dizaine d'albums là-bas. Donc tout ça pour dire, parce qu'on a fait une longue joke, mais qu'elle chante en anglais. De fou. Oui, à la base. De fou. Bah écoute. Là, va chanter en français quand même, non? Ouais, voilà. Là, va chanter en français. D'ailleurs, Miskin, quoique Miskin. Miskin, c'est un rap, tu vois, c'est le pauvre. Y'a pas Miskin dans l'Ohio? Y'a pas un petit Miskin qui traîne? Miskin, si, y'en a beaucoup de Miskin dans l'Ohio. <Okay. rire> Bon, on va écouter un morceau, tiens, un morceau de circonstance, j'ai envie de dire. Ouais. Un morceau qui s'appelle Love. Love, prends le risque. Et c'est un morceau très très très important. Pareil, j'aurais jamais pu faire ce morceau à mes débuts en fait. Il a fallu que je passe par tout ça. Parce que comme je l'explique depuis le début de la semaine, cet album a une thématique, donc la thématique du lotus. Donc tu vois le lotus. Rappelle-nous le lotus, cette alors, plante cette magnifique fleur, cette fleur qui prend racine dans la terre, qui traverse l'eau et qui s'épanouit au ciel. Donc si tu fais une symbolique poétique, la terre c'est quelque chose de dark, c'est un peu la symbolique d'un milieu compliqué dans lequel j'ai grandi. L'eau, c'est pas stable, donc tu passes du lumineux au dark et tu te cherches et t'essaies d'atteindre la sérénité, donc dans la figure poétique de cette fleur qui s'ouvre. Et Love prend le risque est un titre qui fait partie de cette fleur qui s'ouvre. Voilà. Et toi, t'es arrivé à quel moment dans le lotus? Ah, j'espère être arrivé au niveau de la fleur qui s'ouvre. Bah, je pense oui, sinon j'aurais pas pu faire des titres comme celui qu'on va entendre justement. D'ailleurs, j'aimerais bien voir les réactions. Et bah, vont arriver tout de suite, 41759 avec le hashtag D6 sur Skyrock, voici Love. D'aimer, parce que tout ce qu'ils disent, c'est de ne jamais t'aimer. Depuis que t'es petit, on a fait que te nier. Prends mon disque comme un bouclier. Frites merguez, c'est la fête du quartier. Klaxonne à fond, si tu viens de te marier. Je veux que cette zik, je veux que ça tourne en soirée. DJ monte le son enfoiré. Prends le risque. Prends le risque d'aimer. Tout ce qu'ils disent, c'est de ne jamais t'aimer. Depuis que t'es petit, on a fait que te nier. Prends mon disque comme un bouclier. Parce que chez moi, aimer est un gros mot. Les sentiments, c'est réservé aux homos. Dire je t'aime, c'est un peu comme une insulte. C'est plus facile et courant de dire fils de pute. Faut gonfler les becs, jamais baisser sa garde. Tu tiens le regard, tu fais le mec, on va sortir les armes. Poisson rouge, cicatrisé à vie, nous nos embrouilles. C'était pas pour des disques, donc prends le risque d'aimer. Tout ce qu'ils disent, c'est de ne jamais t'aimer. Depuis que t'es petit, on affecte nier. Donc prends mon disque comme un bouclier. C'est pour les holotos, ceux qui gèrent les problèmes colossaux. Que l'État ne cesse de bolosser, donc fais les sous, au moins fais laisser. Dès le départ, on nous sépare, les mecs tranquilles et les KRA. Mais peu importe, on est des banlieusards, peu importe, on est des parias. C'est pour les fils aînés et les chars d'assaut, qui baissent ni les bras ni le pantalon, qui évitent les keufs et leurs lasso, quand ils s'empressent de nous foutre à l'ombre. Donc on doit s'aimer, putain de merde c'est la solution. Si un frère gagne, qu'il est champion, si les champions, on est champion. Donc prends le risque d'aimer. Tout ce qu'ils disent, c'est de ne jamais t'aimer. Depuis que t'es petit, on a fait que te nier. Prends ce disque comme un bouclier. Ses yeux décernent un sac de linge propre. RER, c'est à lui qu'elle l'apporte. L'amour d'une mère pour son fils en prison. Imbattable, ça c'est l'amour champion. C'est Skyrock et ses Planet Rap avec This Is et ce morceau sur Translucide, l'album qui est dans les bacs. Love, prends le risque, c'est ce qu'on écoutait à l'instant sur Skyrock. Exactement. Gros morceau d'ici d'ailleurs qui répond un peu à la question que t'as posée tout à l'heure, à savoir quels sont les titres des interludes de l'album Translucide. Mm-hmm. Comme tu rappelais justement cette histoire, cette fleur de lotus. Ouais. Terre au ciel. Terre, c'était pour l'intro. C'est ça. Eau et ciel. Interlude de l'eau, interlude de l'eau et du ciel que vous retrouverez donc sur cet album Translucide. C'est ça. Avec cadeau, CD dédicacé pour celui qui a été le plus rapide à envoyer le message avec le hashtag This Is sur Skyrock. Il y a This Is, il y a Mad qu'on va écouter chanter avec toi dans quelques minutes. Toute la fine équipe, on pourra les entendre en live dans un instant. L'album Translucide aussi qui est dans les bacs. Et puis, concert ce soir, je disais, c'est vrai qu'il y a le concert du Bataclan. C'est toujours après, on file au Bataclan. Est-ce que c'est toujours un moment particulier pour toi les lives? Est-ce qu'il y a une concentration particulière ou... En fait, pour être très honnête, pendant très longtemps dans ma carrière, j'aimais pas le live. J'avais peur, c'est quelque chose que j'aimais pas. Enfin, au tout début, j'aimais et après, j'aimais plus. Mais là, depuis... Depuis Lucide, Extra Lucide et Translucide, je prends vraiment, vraiment, vraiment du plaisir et j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avec mes musiciens sur scène. Mais une concentration particulière ou non. Un rituel? Un rituel, non. Bon, j'avoue, pour le Bataclan, j'ai un peu perdu de poids quand même. Je le reconnais. Non, c'est vrai, t'as la classe. Ah, merci. Nice. Merci. Ah, ça y est, on est reparti en anglais, là. C'est le cours d'anglais. Non. Non, mais merci. Oui, on se soigne, on fait, c'est important de bien se sentir pour, tu vois, pour être bon sur scène. Bon, prochaine date aussi, à pas louper, le 27 mars, c'est du côté de Lille. Le lendemain, t'es au Havre, donc le 28 mars, si je me plante pas. C'est ça. Et puis, on découvre quoi? Parce que maintenant, comme la discographie est conséquente, tu fais quoi? Tu reviens aussi sur les. Sur scène, ouais, bien sûr. Bien sûr, les albums précédents, sur les premiers, sur le premier album. C'est ça, il y a toujours je peux pas passer à côté, je pète les plombs sur scène, je suis obligé de le faire. Mais il y a aussi tu sais, tous mes vendredis et 6 dits qui ont bien cartonné. Un titre comme Autodance, ouais, par exemple, en concert et en festival, à chaque fois c'est juste fou quoi. Et donc voilà, en fait je passe un peu par toute ma carrière et tous les morceaux et voilà. Et ben, vous pouvez découvrir sur scène This Is. Ce soir, il est avec nous. Et si vous voulez bien, on va passer au live maintenant. Ok. Ce soir, exceptionnellement, pas de freestyle par téléphone. Ah, d'accord. Donc, on va profiter de votre live. On finira aussi avec le morceau Kamikaze. Ok. Est-ce que tout le monde est prêt? Monsieur Dave Devry, qui est un peu le chef d'orchestre de toute l'équipe des musiciens. Parce on est bon. Là, c'est grosse délégation avec DC's, hein, j'ai envie de dire. Manu Dianz, Dani Santé, Raphaël Métra, Wolfgang Delair, DC's. On est bon. Allez, c'est parti. Coup d'envoi du live maintenant. Ouais, ouais, ouais. Un, mad, DC's. Un, un. Ok. Manu. Hein, hein. Je voulais pas mettre de cagoule, je voulais un vrai pull au vert. Disque. Sans rapiècement au coude, je voulais pas l'hiver. Je voulais que ma mère ait un travail et une voiture. Je voulais un père, je voulais des vacances sur la Côte d'Azur. Je voulais pas de pub pendant le film le dimanche. Fallait que j'aille me coucher pile à ce moment. Je voulais être invité à la nif de Sandrine. Cet été, je voulais un t-shirt LC Waikiki. Je voulais une console. Je voulais la Neo Geo. Ou bien une Game Boy pour jouer sous le préau. Je voulais un Walkman Sony jaune avec des piles. Je voulais un V501. Je voulais un vrai jean. Y'a des jours avec, y'a des jours sans. Tant qu'à la gamelle, on est toujours vivant. C'est pour tous les miskins, les miskins. Celle-là, c'est pour les miskins. Les miskins. Je voulais rentrer au bain douche, au palace. Je voulais pas rater le dernier train et dormir dans la gare. Je voulais qu'elle puisse sortir, je voulais tout le temps la voir. Je voulais que ses parents m'acceptent peu importe blanc ou noir. Hein. Je voulais rêver sans télévision. Hein. Que le taux de chômage échappe aux prévisions. Une vie sans guerre de quartier, de peine, de prison. Hein. Je voulais que la mort échappe aux prévisions. Mais y'a des jours avec, y'a des jours sans. Tant qu'y'a la gamelle, on est toujours vivant. C'est pour tous les miskins, les miskins. Celle-là, c'est pour les miskins, les miskins. Oh, ah, D-I, D-I-S-I-Z, ah, ah, et mad, ah, c'est pour tous les miskins, miskins, miskins. Ok, ok, on continue. C'est DC Zemad sur yeah. Sky avec Danny, Manu et Dave Devry on en live. Ok, ok, ok. Un. Et on va faire un titre qui s'appelle Spiral. Un. Un. Ok. C'est pour ton côté dark et ton côté lumineux. Lumineux. Lumineux. Lu trop de livres tristes, vu trop de films gris. Tes amis disent que t'es aigri, mais c'est les choses qui se disent. Qu'entre intelligent, pourtant t'étais un cancre. T'avais déjà compris que les puissances ne restent qu'entre elles. Qu'en France, nos chants chancellent. Qu'on est que des pions dansent quand t'es chic et Jacques chancelle. T'aimerais vivre de fric et chic jusqu'à ce que vienne ce cancer. Qui viendra à 50 ans à faire un taf de merde. Tu te dis que tu vaux que d'un thé qu'une grosse merde. Même pas sur un trottoir, mais dans un champ de merde. Que l'homme est un chien pour les loups qui nous gouvernent. Ces loups qui nous louent, qui se font leur beurre sur nos découvertes. Et la nuit, tu dors plus, t'as le web blues. Tu cliques de site en site, de la pub par pack de 12. Tu prends des nouvelles du monde chaque jour aux infos. Tu te fais mettre à l'amende par les impôts. Tu rêves de braquer des banques, de tout, tout foutre en l'air. Tout foutre en l'air, les mains en l'air, les jambes en l'air. Bang, bang, fuck le système. Hello, la vie de youth. Dans les veines, le sang qui boue, lâcher tout. Faire du rodéo sur un dragon. Partir vivre avec une blonde et une brune sur un lagon. Fuck les pauvres, fuck les riches, fuck le monde. Fuck la religion, pour toi c'est des histoires. La foi c'est de la contagion que tôt ou tard l'homme te décevra. C'est un peu vrai. Trait pour trait, on se ressemble. Traître pour trait, t'es dans une sale spirale. Au centre de ton propre cyclone. T'aspires le mal de ce monde, mais tu peux pas le contenir. Alors t'exploses, crotté des noirs comme Grace Jones. Tu veux la vie en rose, en rose, en rose, en rose, en rose. Cette vie, j'y comprends que dalle. Et je tourne en boucle en spirale, spirale. À quoi ça rime au final? Et je tourne en boucle en spirale, spirale. Ce soir, je vais faire un tour. Je vais faire un tour. Je vais faire un tour, car ici je tourne en spirale, spirale. Ah, t'as connu trop de crises. Ils adorent ton sourire, mais c'est des choses qui se disent. Qu'entre intelligent, pourtant t'étais un cancre. T'avais déjà compris que les puissants ne restent qu'entre eux. Ah, t'as joué le jeu quand même. Eu ton diplôme, t'as mis des larmes dans les yeux de ta mère. Rêve doux, amer, diplômé, mais taf de merde. Tu te contentes de choses simples jusqu'à ce que vienne ce cancer. Et tu rêves la nuit, c'est vrai que t'as pas d'oseille. Mais bon, t'as pas d'ennui, tu parles peu. Certains pensent que t'as pas d'avis, hein, hein. C'est juste que t'as pas envie, les gens apprécient ta compagnie. T'es lumineux, les hypocrites sont pour toi des serpents venimeux. Tu t'es trouvé une petite meuf, t'as pas cherché longtemps. Elle t'aimait, elle était douce, en gros c'est ce qu'il te fallait, non. Pépère le chat, t'es tranquille, la galinette. Et qu'avec celle que tu aimes, que tu fais des galipettes. C'est vrai que d'autres sont belles, mais ça lui ferait de la peine, non. De foutre sa vie en l'air pour un jet de sperme. Et tu fais pas de vagues, t'es simple, toujours calme. T'es bien, y'a plein de trucs que tu caches, mais c'est des trucs bien, hein. Tu crois en Dieu, t'économises pour les tiens. T'es au centre d'une belle spirale. T'es heureux, ah, ton cercle est vert. Tu eux, ah, this is a mat. This is a mat. C'est this is a mat, ah, ah, ah. Cette vie j'y comprends que dalle. Et je tourne en boucle en spirale, spirale. À quoi ça rime au final? Et je tourne en rond en spirale, spirale. Ce soir je vais faire un tour. Je vais faire un tour dehors. Je vais faire un tour. Car ici je tourne en spirale, spirale, ah. En spirale, en spirale, spirale. Je tourne en spirale, spirale, spirale, spirale, ah. Et c'est mad, mad, this is, ah. C'est mad, this is, spirale, spirale, spirale, ah. Ah. Ah. Ah. Ah. C'est et mad, je tourne this is. En spirale. C'est ma douée, ça va pas ou quoi? Ouais, ouais, ouais. Ok, on continue avec mon petit coin de paradis. Un. Le refrain est très simple, si tu connais Cheb Khaled. Un nénuphar dans la mare au diable, entouré du mal. J'ai toujours visé le bien, mais j'ai toujours eu du mal. Ce sont ces ma carte postale. Une jolie vue de haut et tu peux faire tes propres images. Pas besoin de vidéo. Je rapage, balance des jabs, déterminé comme un diable. Y'aura jamais rien de mieux que le partage d'un tibouya. Quelques bouquins, quelques films à la maison, avec ma team, avec mon cran, mon clou, ma tribu, ma famille. God damn, je suis happy. Personne pourra me le voler. Je suis high, je suis high, sans avion, j'ai décollé. Entouré des miens, je suis comme auréolé. Les autres parlent de haine, moi je te parle de ce que je connais. Qui peut lutter contre une pizza? Les dents de la mer, les goonies. Ce soir je vais rester chez moi. J'irai pas en boîte de nuit, je vais prendre la caisse. Et je vais rouler dans la ville, un petit CD de Shadé. On fera les tours du périph. Mon petit coin de paradis. Didi, didi, didi, didi, didi, didi. Dis-moi si tu l'aimes dans mon petit paradis. Didi, didi, didi. Petit coin de paradis, didi, didi, didi, didi, didi, didi. Dis-moi si tu l'aimes dans mon petit paradis, didi, didi, didi, didi, didi, didi. Viens, je t'emmène. Ok, le 27 mars à Lille, hein. Et tout à l'heure au Bataclan, hein. Le 28 mars au Havre. Et cet été au Soliday, c'est D-I-S-I-Z, D-I-S-I-Z, grosse dédicace à Danny Sainté, et Dave Devry, et Manu Diens, et tout mon public de Narbi, mon Narbi. Ah, ok. Mad, mon petit coin de paradis, Didi, Didi, hey, hey. Mon petit coin de paradis, Didi, Didi, Didi, Didi, Didi, Didi. Dis-moi si tu l'aimes dans mon petit paradis, Didi, Didi, Didi, Didi, Didi, Didi. Viens, je t'emmène. Mon petit coin de paradis, Didi, Didi, Didi, Didi, Didi, Didi. Dis-moi si tu l'aimes dans mon petit paradis, Didi, Didi, Didi, Didi, Didi, Didi. Viens, je t'emmène. Ah. Merci, merci, merci beaucoup. Merci. terrible. Merci Matt. J'ai envie de dire terrible. Entourage, vite une gant, nord, cave, pitbull. À l'instant en live, This Is et donc Matt qui était aussi avec nous ce soir dans l'émission. Ouais, et alors si on veut te suivre sur Twitter. Ah oui, où est-ce qu'on clique? Alors sur Twitter, c'est Burkes, B-U-R-K-E-S majuscule et Madaline plus loin, Y-N à la fin, je sais. Madaline. Voilà. Burkes, Madaline. On s'en souviendra. Voilà. Et on ira cliquer tout de suite d'ailleurs. Yes. Exactement. Et préparez-vous parce qu'elle va bientôt proposer du très très très très très très très bien. Et bah avant de lui dire au revoir aussi à Mad et à toi aussi DC's, on va finir avec Kamikaze. Ok, avec grand plaisir. Kamikaze et la roulette qui tourne juste après. Allez, je pars au Bataclan. Yep. Je pense qu'à la fin de ce morceau, ce sera du grand n'importe quoi. Un nouveau morceau, nouveau flow. Je vais te le casser, te faut un nouveau dos. Un nouvel album, un nouveau logo. Tu veux que ça parte en pogo, j'ai tout ce qu'il faut. Saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute. Encore. Saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute. Couplet. Tu dis que ton patron, c'est un fils de lâche. Il fait faire des choses que lui ne fait pas. Mais tu sais pas ce qu'il te cache, c'est que ses supérieurs lui font faire ce qu'ils font pas. Bureau ou usine, on taffe à la chaîne. Tu tiens à ton boulot, donc tu tiens à tes chaînes. Et toute la semaine, tu contiens ta haine comme un kamikaze, tu sautes tous les week-ends. K-A-M-I-K-A-Z-E. K-A-M-I-K-A-Z-E. Comment ça, tu veux pas danser? Et mon cul, c'est du KFC. Et mon cul, c'est du KFC. Et mon cul, c'est du KFC. Saute pas. Doucement. Saute pas. Eh hey. Saute pas. Du calme, les gars. Non, saute pas. Non. Là, tu sautes pas. Là. Saute pas. Un couplet. T'as envie de te barrer comme un haut danois. Tu veux prendre un billet pour Yokohama. Mais t'hésites depuis Fukushima. T'as pris trop de temps, du coup tu restes chez toi. Comme au McDo, tu veux pas lâcher le steak. Tu t'accroches à ton taf, tu t'accroches à ton chèque. On est des kamikazes, on est tous givrés. On saute en concert pour pas le faire en vrai. Saute. Encore. Saute. Refrain. K-A-M-I-K-A-Z-E. K-A-M-I-K-A-Z-E. Comment ça, t'as pas envie de danser? Et mon cul, c'est du KFC. Hein? Et mon cul, c'est du KFC. Et mon cul, c'est du KFC. Je suis un peu zinzin. Navi. Je suis un peu zinzin. Kamikaze, c'est extrait de l'album Translucide, album de DC's qui est dans les bacs depuis quelques jours maintenant. DC's avec nous tous les soirs de la semaine entre 20 et 21 dans Planète Rap. Merci DC's. Merci beaucoup. Avant de se quitter, on fait tourner la roulette ensemble. Ok. Skyrock t'offre tes places de ciné Captain America. Salut Wendy. Salut Fred. Salut. Ça va bien salut, Wendy. Sky. Eh ben écoute, bienvenue, je te présente DC's, y a Mad aussi qui est là avec nous ce soir. Salut Wendy. Salut. Salut tout le monde. Eh ben bienvenue. Wendy, tu as envie de faire tourner la roulette? Oui. C'est le moment où jamais nous faire un beau stop, ça tourne, ça roule. D'accord, ça marche. Et ça va s'arrêter pour toi sur la case Wendy, c'est... Et ben voilà, c'est la totale événement Captain America. Ah, c'est génial, je vous remercie. Non pas une, non pas deux, ni trois. Quand cinq places musique, carrément. C'est une BMW. C'est Captain America. Ah, mais c'est bien. C'est le film attendu. Je crois que je vanne, mais je vanne pas. Hein. Mais si, je t'ai vu. À 15 ans, on m'aurait offert des places pour le cinéma, mon gars. Mais toi, tu peux pas nous comprendre parce que t'es pas assez carry, Mad à la compris, regarde. Ouais, okay. Captain America, ça lui parle tout de suite. Toi, t'es pas assez carry. Non, c'est vrai. Non, mais en plus, j'aime pas Captain America. Franchement, ses pouvoirs, ils font pitié. T'as pas vu le deuxième volume? Il a un bouclier, mon frère. Ça sert à quoi? Hulk, ouais. Hulk, il est chaud, tu vois. Tu te cherches, il te casse ta bouche tout de suite. Bon, bah, merci Wendy, elle est super contente d'avoir gagné. Non, mais les places, tu viens. Tu viens lui détruire notre. Wendy, t'inquiète pas, le deuxième volet en plus il défonce tout, c'est pour toi. Bah j'espère, je vous dirai ça. Et tu lui diras ça. Un bouclier, wesh. Comme si t'avais une assiette pour taper, wesh. Wendy, on te fait un bisou. Moi aussi, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, passe une bonne soirée. Au revoir, soirée. Wendy. Au revoir, Wendy. Oh, tu l'as cassé le moral. Mais non, deux quoi. Dis. Mais vas-y, elle va y aller avec son copain et tout ça. Il y a 5 places, pas d'une, ni deux. Elle va aller avec places. Ses 4 copains. Moi je te dis qu'elle va aller le voir 5 fois tellement il est fort le film. Voilà. Voilà. Donc voilà. Bon, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va se quitter parce que toi t'as un concert à faire, donc tu vas te dépêcher. C'est pour ça, je pète un peu les oui, plombs. Oui, c'est ça, je sens. Merci en tout cas, This is Mad. Merci. Merci. C'était merveilleux de t'avoir, maman. Bravo, Mad. Bravo, Mad. Bravo. C'était un plaisir de t'avoir. C'était un plaisir. J'espère que tu vas venir même sans This is. Bah oui, bien sûr. T'inquiète pas. Elle va vendre, j'espère, plein de millions de disques dans le monde entier. Et dans le monde entier. Bon, c'est. Non, mais quand est-ce que, honnêtement, Mad, tu t'as perçu une petite date au moins ou un mois qu'il faudra surveiller en particulier? Ah, je vais devoir te dire qu'il faut quand même attendre la surprise. C'est bien, tu vois, elle est déjà pro, tu vois. Bon, alors rappelle-nous ton adresse pour te suivre, pour aller cliquer, comme ça, avoir toutes les infos. Alors, Twitter, Burkes Madaline, Burkes, B-U-R-K-E-S majuscule, Madaline, Y-N à la fin. Sinon, Instagram, Madimad35, D-D-I-E, M-A-D 35. Ah ouais, t'es voilà. Technique quand même, hein. D-D-I-E 35. Ah ouais, c'est là, t'es. Ah ouais, d'un seul coup, tu te transformes en ghetto girl quand même. Bon. C'est parti de moi. Attends, on était bien là d'un seul coup. Ouais, t'as le PA35, tu vois. C'est... Tu vois, mais rigole pas. Et 11,43 sous la table. Bon, merci beaucoup à tous les deux en tout cas. Merci évidemment à Dany Sainte qui était là, à Dave Davery, à Manu. Comme d'hab, mais à la batterie. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Non, mais vraiment, bon, j'en parlerai demain. Demain, d'ailleurs, demain, on fera aussi. Vous allez comprendre pourquoi ils sont chauds. Le débrief de ce concert. Ouais. Avec This Is, hop, direction le Bataclan. Et la prochaine date, ce sera aussi du côté de Lille. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci. On va retrouver D-Fool maintenant. Eh oui, on est là. C'est parti pour la Radio Libre. Eh oui, c'est parti pour la Radio Libre. Merci This Is. Rendez-vous demain, 20h-21h. Et hop, file le Bataclan, This Is. Merci Fred. De rien. Demain, on est de retour avec toi. De retour, un petit peu avant 20h. Un petit peu avant 20h, on sera là. Bon, ce soir, il y a du lourd. Très lourd. Ah bah tiens, Cédric. Alors, est-ce qu'on va balancer qui est déjà? Bonjour Cédric. C'est ça. Bonsoir tout le monde. Ouais. C'est du bien lourd. Le clash évidemment. Et puis on attend nos footballeurs. On espère. Alors qu'ils sont là. Ah bah surprise. Ah bah faut être là ma gueule, bah, oui, on dit pas là. Ici une demi-heure au rendez-vous. Une demi-heure il débarque sur Skyrock. Ouais, c'est une ça. Une demi-heure, trois quarts d'heure. Cédric s'est occupé de tout ce soir. Eh ouais. Cédric t'es agent de footballeur maintenant. Ouais c'est ça ouais. Enfin j'aimerais bien prendre vous le boulot qui va avec. Prendre la commission aussi. Hier il était l'agent de Chris Cab et... Ah bah ouais tranquille. Tranquille. Ah c'est la famille. On a passé une super soirée hier soir. Mais grave. C'était très chouette. On va faire la même ce soir. Allez mieux encore. Allez. On compte sur vous. Vous pouvez nous appeler 01 53 40 30 20. C'est parti. C'est ouvert. Vous allez sur le 41 759, l'appli Skyrock qui marche aussi, et le skyrock.fm et tous les réseaux sociaux. Vous faites tout péter. La radio libre, ça démarre. Nous on se prépare pour le This Is de demain avec toi, Fredo. Ouais. Bah ouais. Et puis là, on salue d'ailleurs tous ceux qui sont déjà là. Bonjour à Skylam, bonjour à Keke, bonjour à tous les ah autres. Ah oui, surtout ça, je les ai comptés. À la team Le Belge du 06. La team Le Belge du 06, toujours présente. Ça se mobilise pour le clash. Monet 666, un très beau pseudo. Bonjour à toi, Monet. Et tu devrais t'occuper de Romano, nous dit Scart Knight. Mais il a raison. Il est là le chauve? Pas encore. Mais... tu je comprends pourquoi il est pas là? Je crois qu'il attend que tu partes et après il rentre dans le studio. Oui, je crois que c'est ça, ouais, il t'esquive. J'ai l'impression qu'il veut pas te croiser, Fred. Pour l'instant, je l'ai mis dans la cave de Skyrock, on va voir s'il est libéré ou pas. Bon, du foot, peut-être une baston tout à l'heure, un clash de la drague, le top bug du mercredi soir, on va le retrouver aussi. Et puis vous tous et vous tous en direct, on arrive tout de suite sur Skyrock avec The Shinsekai, ils arrivent aussi. À toutes! À tout à l'heure! Ciao!